Bonjour, bonsoir. Studio na biso oh ba bakino balobaka studio moko ya mayuya. Bonjour, bonsoir et bonne nuit na bandeko mususu bazali libanda ya Afrique na Amérique, Afrique, Europe et Amérique. Bonsoir, donc, Bandeko Bazana, Océanie, Asie. Voilà. Merci pour la voyage. Merci pour la confiance. Pour la confiance na Binon et na Bissot. Vous allez quoi apprécier, Ango Makasi. Et Dolobi, après cours, tout mes gars, pour les canaux live, juste pour quelques minutes, même si c'est Néan la promettra toujours, mais tout n'est pas ça. Bob Lamengaïté, parce que pour la Congo, il y a trop à dire. Alors, les lots, mais qui y a juste pour la. Si j'ai peut-être moko bien parlé et au Ezali concernait toujours notre pays et plus particulièrement une partie de notre pays au Minembwe. Pour nous cause à la franc Abino, cette question à Minembwe Ezali parmi ma question où il y a qui ont affecté esprit Nangaï. Banda cette histoire d'installation il y a bourgmestre na Minembwe, je me suis senti comme une partie de moi Ezali Kokende. N'a hébité pourquoi, bien que Zali Mbokanangaï, oui, la raison c'est ça, mais niveau y a affecté Ngaï, et deux fois, Namekie un peu vous comprendre s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans Zotunangaï. Alors, j'ai consulté mon médecin qui me dira, en tout cas, il n'y a rien dans Zoto, mais en tout cas, Nazalaki affecté. Affecté Burundi Mayangote. Alors, avant la banda, na outi ko tcha post moko na Facebook, oyo na lobi Minembwe, deux points. Merci Fachi pour na première décision. Premier pas, je pense que c'est ce qu'on a écrit. Awande, Sika, Makambaboye, Bissoba Congolais, Tolakisaka, niveau, il y a incompréhension na Bissot. Il faut que vous ayez Tozali entre Bissot, Tozali Banambo, Katoye Bani, Bissoba Congolais, Tozali na niveau moko ya incompréhension ya makasi. Na yebite ba elema nini oyo et komisa biso bongo. Congolais mingi ba comprendre toujours facilité. Même quelque chose ou ezali simple, mingi to comprendra penza rapide maté. Et des fois to comprendra ngo mabé. Nalobi Minembwe, deux points. Fachi, merci Fachi. Bah, oh, bah, les cas na classe, bah, yebi, qu'est-ce que ça signifie? Na moni déjà, miluvor moka komelinga, ah, o lamu ki siko yo moni. Donc, vous comprenez déjà que batu yandengwana, vraiment, classe à l'éka yango pembeni. Et na poste nangaye na longolité. Bomoto y a Félix. Na longoli bomoto ya Félix te. Taebi bomoto ya Félix ndenge ezali. Bomoto ya Félix azali korompi, azali incapable, azali na makoki ya korezone penza malamu te. Bomoto wana ya Félix ezali toujours. Mais dans un pays, ngai na considéraka Félix, lokola ndeko nga congolais, makila moko ya Congo, mais opposant ngai, opposant par rapport à la situation ya mboka na biso, opposant par rapport na souffrance ya peuple na biso, opposant par rapport ya y a façon naïe de se comporter comme, entre guillemets, politicien. Ba rencontre naïe, ba visite naïe, ba décision naïe, yango est provoqué opposition entre ngaï naïe. Moi, je considère Félix comme un opposant, Nangai, et non un ennemi. Félix Azali est ennemi Nangai. Nakutana naye boye physiquement te, hormis le Congo, tozali na eloko tokowe la te, tozali na lien des nationalités et aux alliés sous un lien par alliance. Parce que pas nabiso na culture, nabiso boyebi, ceux qui ont bali mungala, bangala ba komi ba beau-frère na yo, ba belle famille na yo. Ceux qui ont bali ba batobandundu, batobandundu ba komi ba belle famille na yo. C'est comme ça et pas nabiso. Donc, nous avons un lien par alliance avec Félix, tous allés sous alliés mususu par nationalité. À part balier on a mis balé tous allés sous alliés mon côté. Donc, je me répète que opposition ngai na ya Félix est allé motivé na comportement na ye politique. Comportement naïe politique ezali comportement d'un traître. Ezali comportement ya kayino. Ezali comportement ya angwalima. Ezali comportement ya walas. Ezali comportement ya balado. Voilà. De par ses comportements, yango et bimisi, opposition entre ngai naye. Et je pense que ma façon de voir les choses, ma façon de voir le Congo, ma façon de voir notre État, nazali ko partager yango na plus de 100 millions de Congolais. Même ba oyo bazali ko loba fachi béton, ko komisa fachi aveuglement, na conscience na bango ba yebi ke ça ne va pas. Félix ye moko a yebi ke ça ne va pas. Soki bolandi ye ba intervention na ye récente oyo a sali na Bruxelles, na oyo a outi ko loba kala mingi te na Goma, vous allez comprendre que y a un ça ne va pas. Mais, nazali patriote, nazali congolais, ngai na yebi ke hormis opposition ya ngai na Félix et lo komso ezalite, donc tozali enemite, soki a sali mbeba, nakoya nakolobela ye et d'une façon ya makasi. Parce qu'il s'agit ici, il y a voix, pardon, il y a vie, il y a battu. Donc, comme une étape, où yo, en réalité, tu vois que le bédaïen n'a pas malin, mais tu es dorloté. Qu'il faut dorloter Félix, pardon, pardon papa, salamalamu, et loko yo, salamalamu, to bon de la ye, to balosa ye, to pakulaye ma fouta, non. Parce que Félix azali moutwa simbi maki. Maki ezali mboka na biso, maki ezali peuple na biso, maki ezali babien na biso, maki ezali mabele na biso. Alors, moutou oyo zo mon azan na maki, me azo zwanzela ya mabe. Il faut qu'on bêle la rapidement avant à commander Nzela Mabe. Vous voyez qu'on le dans à Mongongo. Nzela, on a Mabe, aux autres, on a Nzela, on a dit non. Il faut qu'on bêle la. Hé, hey, Nzela, on a Mabe, battre au couffa. Moutou, oh, y'a zana maye l'été, babouaka kakayete. Ezali pa na biso na Congo to monaka moto soki azali handicapé bazo négliger ye moto soki abotami na défaut bazo négliger ye mais e pa na biso obotama na défaut non ba place to vandi disons obotama na défaut obotama bien ozali citoyen d'un pays et il faut pas considérer le kola ndengwana na lobaka toujours ki zengi pe a sovaka mboka. Izengi ndenge batikaka ye na porte ya ndako avandi akoki mpe komona moyibi aleki kizengi amoni ye aya alobi ke non motu tele motu ayibaki motu tele motu alekaki kizengi mpe azali na ntina na ye me eloko nalobaka mpo na ka ya Félix en réalité place na ye ezali esika wana te place na ye ezali esika wana te. Naebi ke batu o bazali conscient ba yebi yango. Pourquoi na lobi fati merci? Na pesi fati merci te parce que azali beton. Na pesi fati merci te parce que azoyiba. Parce que azali inconscient. Parce que azali kozwa ba décision pour na mboka te. Parce que azali traître. Na conception nanga ya opposition na pouvoir. Il y a des matières où l'opposition et le pouvoir se rencontrent. Il y a des matières opposition pouvoir bakutanaka. C'est tout ce qui concerne la vie nationale. Ce qui concerne Mboka na bino. Bokoki kobunda na kati ya famille. Mais soki munguna aye auti libanda. Botiena no bituma na bino pembeni. Bobundisi munguna. Voilà eloko ezali ko échapper. Bandeko na biso oyo bazali ko kumisa Félix. Ces niveaux d'entendement ezo échapper bango. Moi, je pense que les problèmes de Minemwe, Toyebi Yango et Banda Banda Kala, plan Oyo, ezali un plan rwandais. Ezali Makamako Bombate, c'est un plan rwandais. Boyebi, Batuya théorie du complot, Ndenge, ba fabriquer, ba histoire. Ba rwandais, ba zalawana mokolo yesu a botamaka. Mokolo. Ba mage, ba bien au ba mage, ba oyo ba on a colandé étoile côté mokonzi a botami. Étoile wana le kaka na Rwanda, e Rwanda. Ba munya murenga za laki na Congo. Donc bazali ba congolais parce que mokolo yeso a botama ki bango ba yoka ki sangwana a partir ya Minembwe. Donc théorie wana ba fabriquer par-ci par-là. Et boyebi que eloko wana biso ba congolais yango pe ezo zanga biso lobby Congolais akota kana makamba lobby te so ayoki te ke mbongo eza wana bakopesa ye mbongo. Congolais abujaka te so yebisi ke no futa tike na yo yaka na États-Unis yaka na New York kende na France kende na Belgique pona makamba Congo akotu na bongo tike bakofute la biso. Congolais abimisaka mbongo na ye te pona mboka na ye. Na lobby congolais en général mais ba ka particulier ezali. Mais batouana ba Rwandais, il se sacrifie na lobby na bango. Il se sacrifie na lobby na bango. Pomoni ba kota na ba archive belé ya ba librairie, ya ba bibliothèque, ya ba musée pour na ko changer l'histoire migratoire na bango na Congo. Ce qui bolingi boye ba demander na Kerwin Maizo, demander na Kwebe Kimpele, demander na Jobal, demander na Bandeko oyo bazalaki na conférence o bauti ko sala concernant Minembwe. Au moment où biso tozo bina ndombolo, au moment où biso tozo na bar ko luka basulie ya Western, komela masanga. Ba Rwande bazali ko kota na ba archive ya ba mboka bazali ko changer l'histoire. Alors, histoire oyo ya Minembwe ndenge ye ko bima na étape oyo tozali. Na lobaki yango na vidéo oyo eleki que Rouberoi a roulé tout le monde. Mais attention, moi je ne pense pas que Moutou Lokola, institution Lokola, ambassade des États-Unis d'Amérique, un ministre a pu déplacer Bango Banda Kinshasa jusqu'à Minembwe sans qu'il y ait réellement à quelque chose à la nini. Parce que cet ambassadeur des États-Unis dit. Azali surpris a yeba kite ki a kende kipo na maka mousousou, a komi kuna ki kouta na maka mousousou. C'est pas vrai. Alors, ce qui kende ki kuna pona maka mousousou, okuti maka mousousou, oyo ezali ya intérêt ya nation ya mboka ozali. Vous n'êtes pas censé être là. Ce n'est pas ton problème. Alors, ce qui ba mema ki yo parere, ou bien ba kosa ki yo yeba kite, vous arrivez là, abstenez-vous na ba commentaire. Na ba commentaire ya ba kolomboka. Mais to monye, ake ko vandi sa mounia mourenge. Na kati ya zamba bo e zamba te dizo e sobe na pelouse, na ndakoute, parce que il faut éviter ndakou peut-être batiche le pino micro, il faut ko me mabango en plein air, micro moko ezate peme ne koyo ko kapte, ma kamouni na zo ebi sa bango, Tomonie na ba réunion militaire, briefing ya ba militaire na biso, ya biso ba congolais. Que fait l'ambassadeur des États-Unis na kati? Parce qu'on suppose, ba briefing ya ba militaire, ya armée, ezali ba secret de l'État, ezali ba secret militaire. Alors, quand vous voyez la présence d'un ambassadeur d'un autre pays na kati ya réunion militaire, d'un pays souverain, eh bien, ce qui est ma question, et Zali Koye, Yote Akoye, qu'est-ce qui se passe? C'est que Ndeko si okufa kala. Et donc, na lobeli fachi merci pour na premier pas. Et Zali le bourgmestre de Minembwe a été installé. Makamouno se landa ki bomoni yango. Mais Félix n'est pas sorti dans son idiotie. Un président de la République, autorité na yo ezali omniprésente. Autorité na yo ezali omniprésente. Au voyager te. L'autorité de l'État doit être respectée. Même aux na katia ndaku na yo, na chambre na yo, na bana na yo, bien na mwasi na yo. L'autorité de l'État, il faut les la respecter. Natango mbutu tozala ki, oza na katia ndaku. Ndaku eza okangana ba fenêtre. Na minuit, na libando yebike moutou azate. Mais pour dire le nom de Mobutu dans le mal, bozo lenga. Pour dire le nom de Mobutu, Bozo Lenga, Bozali na Katia village, Kinshasa à 500 km de là. Policier Mokote Azali, militaire Mokote, na Katia Ndaku na Zamba, Bandeke Bazo Lela Bampuku. Mais pour citer le nom de Mobutu, Bozota la nord, sud, est, ouest. Félix dit, Makamaminembo le kaki ye azala kite. Yangwana Makamaminembo le kaki parce que ye azala kite. Et la question qu'il fallait poser, est-ce que soit azala ki lingay salamate? Rouberoy a amené tout le monde na bateau. Je m'adresse à vous, mes chers amis, Batuya Félix, Boya Kofinga Bisso, à professeurs et à réseaux sociaux, à combattants à réseaux sociaux, à mais classe Ezali gratuite, semble-t-il. Il semble que classe est commis gratuite. Est-ce que beaucoup kozongaté ata pour une semaine? Bakour, ce que vous allez na diaspora, bakour, ils allaient belé, gratuit. Et na ligne pe, okotambulaté, na ndaku na yo, na computer na yo, bien na téléphone na yo, okoyiko landa cour. Et okoyiko mona ke ngai na vandia wa, wapi ba stress na ngai, donc wapi ba force na ngai, wapi ba lacune, ba faiblesse na ngai. Alors, ce qui est ma faiblesse, ils allaient comprendre ma cambo. Ils allaient na bakour ya kwede batu pour na analyse critique ya likambo. Pour na critique historique ya likambo. Okoyi ko landango e kwede yondeko. Non, ma professeur ya réseaux sociaux, un pasteur d'ailleurs qui m'a dit, un pasteur Milovor, l'ongba kuna professeur ya réseaux sociaux. Ah! Yo pasteur na kota na profil na ye na mona a poste ba image ebele église na ye na YouTube. Oh, mais YouTube est un réseau social. Alors, Félix dit ayeba kite yango makambo na lekaki parce qu'il azalaki na mboka te. Or, l'autorité ya président de la République. Et si la caté, n'a tigali comme mon athée Félix n'a tant à voyager à Kéine, à Belgique, que a pesi pouvoir na ye na premier ministre, a pesi pouvoir na ye na Moutoumoussoussou. Intérimaire à Zalakité. N'a tigali comme un document, on a intérimité. Donc, il est toujours président, même à voyager na avion Licolo, aux alliés présidents. Bah, câble, y a communication, ils Zalaka toujours. C'est-à-dire que y a Félix qui a voyagé, à Zalissou, président, l'autorité naïe ne fonctionne plus. Il faut que c'est la azonga, autorité naïe zongé laïe. Quel qui yungu? Dans le lobby, merci pourquoi? Parce que, à l'andarabi sur les réseaux sociaux, yé mokwa lobby, c'est une réponse dans le pouvoir. Longwa kuna professeur ya réseaux sociaux. Longwa kuna professeur ya boy. Longwa kuna cuisinier ya réseaux sociaux. Mais yemoko roi na bino Félix po azwa décision entre guillemets ya minembwe alobi yango bien na landi na réseaux sociaux. Réseaux sociaux c'est qui? C'est nous. Réseaux sociaux c'est nous. alandi biso aye koloba po azwa décision. Bon, on peut sa bravo dans les réseaux sociaux. Tolobi merci. Parce que Naloba qui a une vidéo le, deux jours après l'histoire de Minembwe. Naloba qui a un Félix Azali na pouvoir a stoppé le Kouana. Donc, bien que Azela qui n'a pas maya misu na biso etanga et bima, pour que a se réveillé à talikamane zali ndengeni. Alobi la situation est explosive. Alobi ba conflit ezali ayeba kité. Asololi na batu, asololi na ba chef koutimier, asololi na ba population, asololi na ba député ya ya est ya mboka na biso, ayeko comprendre que la situation est explosive. Alors, a eu décision, il y a qu'au sursoir cette histoire de Minembwe. Mais cette situation est explosive à cause de Minembwe, wana. Baka Moussousou. Mais, quand on parle de Minembwe, on voit qui? On voit Mouniamouenge. Mais à Londres, le baki Mouniamouenge a zali Congolais. Mais maintenant, il a compris que bakolo mabele baye ko yebisa ye batu oyu to moni bango bazali ko ya awa. Il y a ces citoyens oyo bavanda na territoire wana banda kala, c'est vrai. Mais la plupart des gens oyo bazali ko ya lokola ministre na ye Ruberwa qui est venu au Congo comme un réfugié. Barchiv na ba université Ezali, Ruberwa réfugié. Bizima Karaha est venu au Congo comme réfugié. Bouguera est venu au Congo comme réfugié. Lelo ba komi ba Congolais maître ya territoire. Mais qui t'a dit na Londres que Batouana bazalaki ba Congolais? Lelo, ok, sur le terrain, kuna, au monique, oui, réellement, bazali ba Congolais. Un président doit revenir na Malobanaya, lobaki na Londres, ko s'excuser auprès ya peuple, ko lobaki en tout cas, na zalaki na ba élément nyo sauté, pona lobaki batu oyo bazali ba Congolais. Soki bazali ba Congolais, pourquoi au sursoir, makambo ya installation ya commune wana Minembwe? Parce que vous avez compris que Batouana baza Batouna bisoté. Ce qui balingi ko vanda na Congo, qu'il demande. Ba Congolais toza libanda, ba sengaka, to sengaka nationalité. Ce qui olingi ozo nationalité ya mboka ozali, senga yango. Et Congo nandimite ke ba perisa moto nationalité. Un Libanais qui vient là, demain il est Congolais. Un Chinois qui vient, demain il est Congolais. A fortiori, bande qu'on a vu sur l'Africain. Les Nigériens viennent à comme ils le disent à Congolais. Tout ça pose problème. Ma kambo yako yako botolaka bisonde mabele yango tozo pekisande. Yaka, beta porte, toyoka yo, pona nini olingi kokoma ndeko na biso. Toyo kayo, oyebi minoko na biso, toyo kayo, okoyi kosala musala awa, toyo kayo, okomemani na mboka na biso, toko pesa yo mukanda. Ba Chinois tozoyo kabango na mokolo moko, aye lelo, lobby ake na immigration, ba yo kie kara panda 2 minutes. Lela deme le Chinois akomi Congolais. Comme je disais, a fortiori, bino, bande konabiso ba africain. Nalobaka kango, le Rwanda et le Congo resteront pays na kati ya frontière nabiso, et lo komsoe koyate. Eza to tche mir. Mire, on a beaucoup ça, on a beaucoup la mire à Jéricho. Mire, on a beaucoup la mire à Jéricho. Voilà. Donc, entre les Rwanda et les Congo, tu as la mire à Jéricho. Bakozala toujours ma voisine na biso à jamais. Mais, boya, bo senga, toko pesa. Boya na lo matin. Na lobi merci Fachi parce que, étape ya liboso, a lobe la yango, a zui quand même ses courage de ki yungu, c'est ça, on dit merci. Il faut remercier parce que moi, je ne me considère pas un opposant au Azali Arefitaka Nyonso. Non. Au Sali Malam, au Sali Malam. Au Sali Mabe, au Sali opposant, Nangato Zali n'a pas position contraire. Nalobe la kaba beau frère Nangaï, nalobe la kaba ndeko na biso baluba. Parce que comportement na bango Zali Mabe. Na likambo etali ba leader luba il faut ko landa ye o mata okita il faut ko lande tien ti sekedi ko boya te et sika ngana bango tondongo nak. Mais je félicite mes frères et sœurs, mes beaux frères luba parce que bazali unique tribu na Congo oyo ba maintenir culture na bango même ba kei na diaspora. Nos frères et sœurs Luba ezala basali 100 ans na diaspora au côté na ndaku na bango chilube zotoka na lobaka yango esika wana bravo esika wana bravo mais makambu ya kondimisa kabiso ke Félix aza mayele que Etienne Tshisekedi azala ki premier docteur na droit que Etienne Tshisekedi azala ki mayele Etienne Tshisekedi père ya démocratie et peut Etienne Tshisekedi père ya le peuple d'abord yango nde tozo pekisa yango biso na bango tozo ndongwana mais à part ça on est frères et sœurs ngai soki na moni ndeko na ngai mutu Equateur muluba mungala mushwahili mukongo asali kama malamu je le félicite asali kama malamu Félix le fait ya kozwa courage wana parce que c'est pas facile ba pression azana ngo ya Rwanda kozwa courage que na sirsoir nanu likamboyo evanda nanu mais même si ozali un opposant farouche il faut que loba merci quand même. Parce que moi, personnellement, maya misu na ngai etangi. Pona minembwe, maya misu na ngai etangi. J'ai souffert. Nazoka lokola estomac. Nazoka net ki une partie de moi est partie. Alors, natango yo ki ke a, décision o etangi si yo maya misu. Décision o yo epesi yo estomac. Ba vandisi yango nano. Total anano. Il faut pas qu'on le bat merci. Et za la zali ki yungu national na bisho, mais quand même, bah ki yungu pe pas sa kamakam malamu quand même. To yko rejete nyo sote, yangonde mboka yzo beba, yangonde yzo peki sa makamboyo. Et za la ki yungu a ye, yoka ye nanu ki yungu a loba. So ki a lobe a silisi yo yoke, ah oui, ah oui, pe si moi sens ya bien, ah merci yo sali malamu, salama, bravo. Bi yungu balinga ka bongo. Alors, pour que ce soit la décision, bien que ma pression, je disais, ma pression, il y a Rwanda, ma pression, il y a beaucoup comme ça sur le coup des États-Unis, mais a eu quand même le courage, il y a un soir. Mais ce n'est pas fini. Et si l'été, parce que pour na Félix, il faut tout à na moi, Angélé. Oyo va bien, respect, il y a un commitment. Commitment en français, c'est quoi? Respect, il y a un engagement. Voilà. Respect à l'engagement, Azali Moutou Tokoi Kopé, ça y est, confiance à 100%. Parce que Félix, ce qu'il dit, Azali, oh, et ça, le makate. Mais au niveau, il y a parole. On lui dit d'abord merci pour Minembwe. Wana na lobi, vraiment, Azali béton. Pour la parole, en ce qui concerne Minembwe, Nalobi Ozali béton. Parole. Et maintenant, il faut voir ce qui. Le respect des engagements politiques à Kosa le Layango. Moutoupe a koyi kobota mana faiblesse ya intelligence. Mais ma kamoussou se koyi koya ozo kouta na nango na vie et koyi ko la moussayo au koma sage. Tout le monde a kabatou moussou se bobalani. Bobalani bana mike. Batoukoutou bazo lela. Bako vivre ndenge nini. Bana mike boye. Mais le fait y a qu'on vive une expérience, il y a quatre familles. Moi, na beli na 3 heures, moto 40. Bola mukaboye, beaucoup ta ono kulu na yibi télévision. Bola mukaboye, musale zate. Bosa la boyo, feti mama li pute zate. L'expérience, wana nyoso, et koi ko komi sa batu o ya couple ba mature. Bazu expérience, ba komi ba sage. Moi, je pense que Félix, malgré faiblesse intellectuelle na ye, il peut devenir sage pour na makambu oyo azo mona azo kutana nango. Ce qui a lingi, akoko ma sage. Akoki peut sauver mboka. Mais j'en doute. Alobi, le kamaminembe oyo a constitué commission. Commission, il y a des experts, des technocrates, des experts en matière wana nyoso, juridique, migratoire et tout, pour que ba vérifier les kambo oyo malamu. Voilà, et si kande, et tindi bisoto sa la vidéo oyo. Nayebi ki Félix Azo Landangai. Nayebi ke mwasa Félix alanda kangai. Nayebi ke ba conseiller Félix balanda kangai. Wana merci boza ba béton na kota rolanda ngai boza ba béton. Et si kama be ko kota yangoyo. Awa lobi akosa la commission ya ba expert. Ba vérifier li kambwana pour ke ba éclairer opinion pour tozo a décision. Et si ka oko baskile entre kote ka mboka, na ko sauve mboka. To yebi ke bande konabiso ba tatu nyoso lokola ba yoki. Félix Alobi ya ko sa la commission, ya ko verifie li kama minembwe, batu wana ba zala batu ya kivute. Na yebi ke kabaya ka mwange ningani deja. Na yebi ke liste deja esalemi. Et tango boko mona komisyon wana boko yoka Chibwabwa, Chilomba, Chintumba, Ilunga, Ngoyi, Kazadi, Mukendi, Ngalamulume. Makambu wana nde yango tozo pekisa. Pardon. O ezali komisyon ya vi ya peyi. Soki yoko sala komisyon yango. Soki kagame ako permetre yo sala komisyon yango. Ezali problem ya survie ya mboka na biso. Pardon. Si vous voulez instituer commission wana, batatouba le kami balete. Batatouba le kami balete. Et batouoko tchana commission wana, surtout batatou. Vérifier diplôme na bango, vérifier batanga wapi, basal expertise wana wapi. Ce qui bazali ba juriste, vérifier malam na diaspora, si ka bazala ki réellement bazala ki ba juriste. Ce qui bazali ki expert migratoire, vérifier basala wapi, expertise na bango migratoire bazala wapi. Ce qui bazali ba anthropologue, vérifier diplôme na bango, diplôme pamba, ça ne suffit pas. Avoir un diplôme sans expérience, ça ne suffit pas. Pardon, beau frère, pardon. Toyokate. Kakabachi, Chi, Ngoi, Ilunga, Kazadi, Mukendi, Chibwabwa, Chibolongo. Pardon, olekisi mingi na présidence kakabachi, cha, chi, chi, chi, cha. Commission nyonso kosala kaka bango, pardon, oyo etali makambo ya mboka, ya mabele ya mboka. On ne blague pas. Commission wana, parce que bandeko na biso pe, ya kasayi bazwi ba poste ebele pa na yo. Ya mbala oyo, na koyi koloba kutu, kotia kutu tatato moko ti. Soki omeki kotia tatu, oh non, commission oyo oponi moto moko conseiller Kazadi. Salelanga commission ya bato po na makambo ya minembwe. Kazadi wana kotia ba mama leki na ye ba tatu na ye ba manseba ba noko bango nyonso kotia bango na liste. Yo verifiaka te pona kosinye, vous allez signer. Et demain matin, ekokoma bato ba loba bakomi kolanda biso po babeta biso. Cette commission-là sera une commission nationale. Il y a expertise ndengo lobi yomoko. Expertise des ya malobate ya monokote. Il faut qu'on vérifie expertise wana. Et moi, je proposerai d'ailleurs. Moutou mokote o asala déjà na mboka na biso. O a yebani na makamba la corruption. Parce que chez nous, tout le monde est corrompu. Kocha moutou anate. Moi, je propose. Okoye koluka nos étudiants na diaspora. Nous avons des étudiants, doctorants, juristes na diaspora. Nous avons des étudiants anthropologues na diaspora. Nous avons des étudiants na matière migratoire na diaspora. Benga ba étudiants wana tchabango na commission. Basala musala na cadre pe. Ya ba recherche na bango. Tout ça là, yango lokola projet de recherche. Les étudiants en anthropologie, les étudiants en migration, les étudiants juristes, les étudiants, ce n'est pas des étudiants à première. Les étudiants à niveau ya master, à niveau ya doctorat, parce que baza déjà na outil à recherche scientifique. Ces étudiants-là, bakoya d'abord un amoutou na bango bakotia. Ben, étude na bango. Parce que un projet, un rapport biaisé, et quoi endommager ben, étude na bango. Parce que si aujourd'hui c'est corrompu, il y a un ben, professeur à l'université de Kinshasa. Ben, pondre yo un rapport biaisé. Bango problème na bango. Parce que Robert Wayoki, commission na Bokotia, bato Robert Wakozala. Bakolanda batouana pour corruption. Et pourquoi peut-être? Ce sont des idées qu'on donne. Nakatia commission wana, au responsabiliser nos églises, l'église locale, l'église Yamamouane Tatouanité, l'église catholique. Bozui bango lokola, responsabilité yabanthropologue. Église protestante. Responsabilité à la juriste. Église musulmane. Responsabilité à domaine boy. Ce qui est baby, to yebi église. Mais, mon cher frère, ce qui otie bandeko, d'abord bandeko, oyo ya tribi moko na yo, omoni moussala bazo stale la yo. Je sais. Et donc, ils ont gardé un pouvoir, ils allaient juste l'orgueil tribal. C'est l'orgueil tribal, ils ont maintenu un pouvoir. Ce qui est l'orgueil tribal, on est à la caté, mais le Félix a si à Kimakala. Dans le langage, vous comprenez ce qu'il dit. Vous comprenez qu'ils ont tout la mouise. Tellement orgueil tribal, ils ont ben d'ailleurs. Moyen tout la mouise exacte. Et Félix pouvait travailler un peu dans le cadre de la signature. Ce qui est un déconnaillé tribal, basana, esprit y a bien, il y a que ça, il y a un bon, il y a que ça, il y a. Mais le vrai ennemi, il y a Félix et Zali, bah, conseiller, il y a Félix à tient la présidence. Le vrai ennemi, numéro un, il y a Félix. ezali bandeko na ye o atie na présidence basalisi ye te bazosalisa ye te. C'est le temps aussi de le remercier. Tu comprends pourquoi je remercie Bangote? Vider tout le monde. Basali si yo na tango zala ki na diaspora, na tango zala ki na passe na calvaire, passe yango pe misio to bande to moni yango te parce que famille a ti sekeli ba bota mi na diamant, ba koli na ba diamant na mbujima yezo ya ba commission, tout ezo ya. Passe nini ba, ba na yebite. Ben bon, acceptons que bande kwana na diaspora bande ko sali sabino. Alors, les deux ans où il y a bango chance et l'autre pamba la présidence, ça suffit. Remercier bango, bazo bébé sa moussala, bazo sala moussalate. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Na katia famille na yo bazo loba, na katia IDPS bazo loba, tout le monde en parle. Mais yo ozo monat, il voit. Il voit pas. Remercier bango. Alors, commission wana ezala vraiment commission. Toyo kata mwa e sengomuke. Que oui, il y a une commission qui a été instituée et une commission au vrai sens, il y a commission. Batu wana, il faut ba prêter ta serment dans ce qui mwaye ezali, si la loi le permet. Que ba ko trahir mbokate, parce que le Rwanda a corrompre bango. Parce que Minembwe, ce qui est basculé, Félix Aza déjà n'a pas antécédent et belé avec le Congo. Oyo n'a pas na Félix. Ma génération n'yon so bako fouta yango. Le fait, yako garder Kabila, yako protéger Kabila. Aucun Congolais ako pardonné yango na Félix. Mais il faut qu'on luka quand même makamusu se koyi ko atténuer un peu kanda ya ba congolais même par Minembwe sauver Minembwe ne fils que Minembwe aza toujours na lancer protectrice ya ko défendre ba criminel ya ko défendre batu alobi ambassadeur ya Amérique ya mbakiye l'ambassadeur lui dit ayebi makambwana te, ayeba kite kaye pona makambwana, ya ayaki pona makamususu, e na moni na ba réseaux sociaux, ba makamoko batu bazolo ba, ezali mabe, ezali biente. Alors, la question là, je l'ai posée déjà. Pouvez-vous croire qu'un ambassadeur américain peut être conduit à bateau comme un mouton de Kinshasa jusqu'à Goma? Ce qui ayebi makambo, oyo bazo kiso la kunate? Ce qui ayeba kite? J'ai posé la question, mais je la repose pour Nabato Bayesika. Ce qui est ambassadeur des États-Unis à Yebakite, pourquoi Zala Kikuna na Minembwe? Qu'est-ce qui justifie sa présence dans la réunion? Yaba autochtone, yaba yamunya murengi. A qui est-ce que ça? Parce que yo kenye pour Makamoussous. Makambango ya kendele ki to yoki ya mote. A kendele kuna pourquoi? Parce qu'un ambassadeur dans un pays, quand il se déplace, il informe le ministère des Affaires étrangères Yamboka Wana que non, ambassade des Ali na Kinshasa, Nazali ko se déplacer na kende Lubumbashi, na kende Kasai, na kende Kivu, na kende Minembwe. Et je serai là pour un jour, pour deux jours. Alors, vous se déplacer sans informer les gouvernements. Que ozo ke na est. Alors, kuna na est, ce qui babomi yo, nana ozo a responsabilité wana. Je vais vous dire une histoire. Namboka Kore, ambassadeur ya Congo na Kore, na ambassadeur ya Nigeria na Kore, ya Nigeria ba bloka ye pendant deux jours na aéroport. Ya Congo a salaka ba air na aéroport. Immigration ya Corée ba bloqué bango Pourquoi on a bloqué Bango? Un ambassadeur, ce que je se déplacer aux Obima, il faut informer le ministère des Affaires étrangères. La Corée a remarqué que l'ambassadeur, il y a Nigeria. Il sort chaque mois à Zaïne aéroport pour un voyage. Mabété. Mais il faut informer. Et loco, la Corée avait constaté que l'ambassadeur du Nigeria en Corée, ce qui a bimi, valise mallette diplomatique naïe avec des millions de dollars. Mais ce qui a zongi, mallette diplomatique vide. Nakati a mallette diplomatique, Ogusi, Ogbono, Mbisa Okaoka, Fufu, Yam, Otobengarabiso, Mbala. Mais ce qui a Zobima, a Outi Kore, a Zobima Libanda, des millions de dollars. Même l'ambassadeur y a Congo. Et l'immigration à Corée va informer le ministère des Affaires étrangères à Bango. Mais non, l'ambassadeur au Tozomon à Bango suspect. Bazobima na Bambongo. Mbongo wana to yebite parce que tokoyi ko lande la Bango te parce que zali ba manette diplomatique. Mais on ne comprend pas Mbongo wana bazozwa wapi. Ce qui ba outi li banda ba koti na kati kuna bazali kaka na Ogusi, Ogbono, Pondu, bazali na Mbala, bazali na Mbisa Okaoka. Alors mkolo msusu ambasaderi ya Nigeria, bimaboye li banda na Bambongo wabi. Yambalo to, manseba ogobimate. Okobimate ifuto ye bambongo ye uti wapi. Ezalaki un problème diplomatique. Tiba yoko longola ye, mbongwane kenda te, Kore a rekipera mbongwana ti justifikasyon ezala. Men, apre ba negosyasyon antre le prezident, mbongwe kenda, ba pesi ba fos justifikasyon. Balongo l'ambassadeur wana ba remplaça mosusu ya mwasi. Pona Congo, des criminels nigériens, sud-africains, baye ko yiba mbongo na Corée. Babimisi 500 000 dollars d'abord na banque. Ba criminels wana bazalaki. Na Afrique du Sud, ba Congolais, ba Nigériens, na Afrique du Sud, bazo landela ba businessmen sud-africains, ebele ba sud-africains ba bomba kambongo pe na Corée, na Hong Kong, na Corée, na Japon. Soki ba landeli bango, na tango ba ya kotia ba depo na bango, bazo mo na banque ba tche, bazwi ba référence makambo nyonso, makambo na Félix akosplike bino bien le karandenge nini, ou bien moi sa Félix akosplike bino. Système a Chekula. Babimisi d'abord 500 000 dollars na banque moko. Après quelques jours, bakolo mbongo babi non, biso to pesa ordre ya sorti ya mbongo te, to signa chèque moko te. Baye lisusu. Encore 500 000 dollars. Yambala oyo po bango soki basali bakou wana mpona kobimisa mbongo na Corée bima libanda bapesaka ambassadeur atie na mallette diplomatique abimi bake bakutani par exemple na Chine ou bien na Hong Kong bakaboli mbongo ya ye azwi ya bango pe bazwi bazongi ya un gars qui est au Japon Akima Meche Sola. Azalaka engagé local ya ambassade ya Congo na Corée. Ye mutu babandai ko utiliser soki ba bimisi mbongo ye a coopérer na ambassadeur na ye ambassadeur atie na mallette diplomatique ba bimisi. Tour a liboso mbongo e bimi ba koma soki na Hong Kong ambassadeur a bombi mbongo mususu balingaki ko boma ye na kati ya chambre d'hôtel na ba Nigérien. Il faut dire des choses. Balia ko bomaye na kata chambre na ba Nigerien mbongo ndenge bimaki ezomona na te akosiona pesa ki boye opesa ki nani biso to yebi mutu te Bayo kanisa no muto oyo ye muto aidaka biso po mbongo e bima. Sori to bomi ye to bebi si kop. Troisième fois baye mbongo e bimi. Bank bazwa ki dizebe informasyon yon so ba kable ba kolombongo na Afrique du Sud. Eske bo pesa ki orde ya sorti ya mbongo monta boy. Te, to pesa ki te. Ba yebi ke er bazo misa mbongo na Kore baza moi. Na Afrique du Sud kuna baza butu ba 3h, 4h. Ba tu balali. Ba kolombongo ba labi jamais to pesa mbongo anate. To pesa orde ya mbongo ya sorti ya mbongo anate. Batu ba vanda ka na ba kliya ba mona ka ba porte ya banke bandiko kangama. Kwe kangami. Heureusement, meshe wana zolo ba sola azali na Japon, akima na Japon, bala japonaise. Il était engagé local ya Kore, ya Kongo, na ambassade ya Kongo na Kore. Azala ki li banda. Eri ba yipsi bango tozo bo msa mbongo tozo ba sakto. Mbongo deja ba tche ba depose na comptoir. Batabanga wabi bobo za yato zwa basakto tche la bino. Minit police. Ba porte kangami yeso la libanda. Sot mouton. Sola sot mouton. Mbala moko avion. Japon. Po azaki na mwasa japonaise. Midi indana ye nandaku watika yango azwa yango te. Amona sukule rapporte anda kote saute na Japon. Police ke nokuluka ina anda kuboya zalaka te deja saute mouton. Ba Nigerien wana bakanga bango na lelo bazali na prison na Corée na Pusan. Pendant 25 ans bakozala na prison. Bazali kuna. Voilà l'ambassadeur na biso misala basalaka. L'ambassadeur na biso bazaba fonctionnaire salaire na bongo utaka na Congo. Salaire bazo fonctionnaire ambassadeur akori ko somba camion. Ndako ya ambassade ya Corée, ya ambassade ya Congo na Corée, c'est l'ambassadeur qui paye. Azwaka mbongo wana wapi? Azwaka mbongo wana wapi? Alors, na makambo etali ba commission ya boye, il faut kotia batu ya serye parce que ezali makambo ya survie ya mboka na biso. Ezali makambo ya survie ya mboka na biso. Inutile ya kosopose na batu. Parce que, au fait, quand on dit de vérité, je pense que la meilleure façon yakozala, il faut qu'on y ait avec des contre-vérités. Il faut qu'on y ait avec des contre-vérités. Par exemple, les kamna lobby ya ambassade ya Congo, nazali na USB. C'est où? Voilà. Na yebi ke boya nanda kunangate USB oyo. Ezali mémoire ya 500 giga. Jibe soki babenga soki jibe soki te soki te nini babenga wana. Ambassade ya Congo nyonso ezali awa. Tout ezali awa. Toye kozwa chance. A un moment donné toye kosala na batu ya intelligence ya mboka Kore. Nazolo bango paske na sila longwa. Na sala soute. J'ai travaillé avec l'intelligence coréenne banda 2010. Qui na 2019, j'ai travaillé avec eux. Tozwaka inane po bazwangai tozala na badai ko boya. Et en contrepartie, je l'ai redit, na ligne komo na ba câble diplomatique ya ambassade ya Congo na Corée. Babi pas de problème. Ba tchelanga caméra na kati ambassade. Ba chelanga voiture ambassadeur ba cha camera. Ba travailler on nyonso camera. Ba téléphone denge zo ya nyonso capté. Ba message tout capté. Ezaliaw. Cette histoire de Sola, O Nazoloba, Ezaliawa. Un jour, O Mboka na biso eko bonga. Tout ça, batwana nyonso bakozala na prison. Alors, la meilleure façon, c'est de venir avec des contre-vérités. Au lieu de Luka, ye azoloba minga azalaka, mutu yu azalaka, bo Luka, adresse vos Luka yani. Adresse vos Luka, pour vous salangani. D'abord, namboka kore, voilà peut-être bate bele ba yeba ati. Namboka kore, personne. O milouvoro, personne a koi ko telema devant M. Yombi, asala Yombi mabe. Personne. Parce que ba Kongole ou ba vandi li banda, baye bakate mboka kore zandengene. So komana na mboka kore te obi ou vivana nte ou baye bate zandengene. Me biloko e zalaka non, loko na Europe, na Amerika, na balandi okuna, ah ba kombata kangaye, tatu, ah tatu kangaye. Na kore, o meki kaka le même jour ou zui avion. Et d'ailleurs, M. Yombi, partout ou akenda, M. Yombi, c'est des fous balandra, M. Yombi. Alors, yoko zwa tango wapi yo yako simba, M. Yombi, ope sayata kibota. Tango yoko zwa ngonde, parce que partout où azali, bana, ba étudia, bazo landa, autographe, signé pour nangai, ba mso azo peso ilamba, azui marker, signé, azui signé. Alors, yoko zwa tango wapi yo yako telema, d'abord, bisika nga la kendaga, e bele ba kendaga te. La liberté ya ba paya, yako tambula, o to mona gana Europe, na Amerika, na Corée exacte. Na Corée exacte. Ozana mwa mukanda na yo étudiant. Oya ko sazarde par exemple au côté sika na mutu boy. Mais mukolwango ke parce que bango pona ko refouler mutu procédure ezala kana Europe kuna no ekene na tribunal ke na Corée biloko na exacte. Biloko na exacte, osali mbeba wana sur place bazuyo ozwi li papo ke. Mouta ko defendre ou pe azate. Alors, c'est inutile yako luka confrontation physique. Ngala loba toujours que nazali béni. Bénédiction nangai nalinga ko utiliser ngo na mabe ya batute. Je vi un petit garçon là, na live na biso ya lobby. Non, ya mkolwana. A lobby yo zo loba pona ba kongole, yo moko zali. Source ya malheur makasi pona ba Congolais na Corée. Ah. Ya un petit qui me l'a fait voir. Alors na yeche me senga na ye azwa courage asa la même vidéo. Allo basso sa malheur ndeke ni naza pona ba Congolais. Na ebité. Ba Congolais o bazwa mukanda lelo na Corée baza soki 73. 73 Congolais au bazo mukanda réfugiés. Sur les 73, au moins 28 bazo na nzela na ngai. Na kenda na tribunal na telema na samba, eza lokuta. Na zoye ba keza lokuta na samba po na bango bazo mukanda. Ba vanda. Mibe kwa ba réfugiés. Ngai na député. To vanda na restaurant. Na pesa ye makanisi. Mais pourquoi ba réfugié ba kinyo soka mobe ko moko loi kaka moko ya immigration control act? Pourquoi ne pas ko séparer mobe ko moko ya ba réfugié bango moko? Ah, o pesinga idée madame. Tozolia zela kutu alongoli biloko nani échappe chakia wa kitisi afungoli go dans une sac abandiko koma. Une semaine après a bengingai, deux avocats okutani to sololi banda mukolora ti mukolomi beko ba réfugié salama na parlement na zala. Ba photo bozo mwana na telema liboso ba tebele, c'était na parlement pour na défendre. Vision na ngai en tant que réfugié, ma loi ba réfugié importance nini na mboka ya Corée. Alors, il faut que lo baka ba vérité, parce que Congolais, alandaka mingi oyo makambo eza vérité te. Alors, des gens comme ça, quand vous venez, au lobby li kambo fait la vraie. Parce que j'ai identifié ce petit garçon, il a juste une vingtaine d'années. Alors, ce qui est dans le lobby, il n'a pas fondé. aloba en quoi nazali malheur pour naba congolais. Donc nazala porte bonheur pour naba africain mususu, ba Bangladesh, ba chinois, ba mongol. Nazala mutu oyo nazali ko aider bango ko wela bango et na ya kozala porte porte ya souffrance pour naba congolais. Est-ce que vraiment c'est logique ça? C'est logique ça. Ngana kende na Nigeria, ba famille na Nigeria ba wela ngai. Ba wela ngai na kovanda na hotel na ngamo kote ba kotiza ba mbongo okuna ba lobby akovanda na hotel na biso okuna ba kovanda na hotel na biso. Bande kona bango na kore ba benga mutu wana azoya, mutu wana azoya de biso awa. Azoya kuna. Na aeroport na kuta boy talabat. Bata batu na kamion na bango yaka epa na biso yaka quand même il fallait boyoka na quand même. Abi non, na kenda kana epa ya batu te. Dans un hôtel déjà réservé, ce qui est Bolingi, vous voyez un hôtel, tu vas là. Lit, na ken, ba réserver l'hôtel en na bango. Parce que j'ai aidé bana na bango, ba famille na bango na Corée. Na betra bino isolo ya Côte d'Ivoire. Ba pibe langa visa pour na ken kozoa kwe koluka kwe de ba ivoirien na Corée. Na contourna na ken na Paris na zoa visa na ken na Côte d'Ivoire. Na aida ba sénégalais. Naeda ba Gambien, ba Ghanéen. Je voyage ba pays wana nyonso, na mbongo na ngai, na zwa ta en likuta te. Lit na gouvernement, ba bi ozo wela bato yo, baza ba refugie te. Nga bi bon, na okende ko zwa ba prev. Na kenda na tambula na zwa ba prev. Moutou moko te apesa ngata un centime. Mbala suka na Nigeria ba kidnapa ngai, ba bo mangai, 3 jours. Po na ko ede ba refugie nigerien. A fortiori ba ndeko na ngai ba Congolais. Ba Congolais belé baza na mboka kore ba yebi ngai te. Physique ma comme ça ba mona ngai te, ba mona nga na télévision. Ba mona nga ba yoka koke isika oza mutu ya Congo. Ah! Mr. Yombi. Mboka Mr. Yombi. Ah! Mr. Yombi. Lelo e koma ko bakisa kutu na komba ya bana na ngai. E belé boye ba mona ngai te. Mais, un groupe d'étudiants en baloba nangai toyé une semaine ya pamba batu bayamba biso to mona yote batu bayamba biso a yebisa biso ke boke bana mutuma wa bengi yombi asala nini eloko asala ezate afunda ka batu na immigration afunda nani mutu kombo ezate mais di quand même quand même congolais hein? Alors moni bana ya boye soki na lobby na landela ya ah, non aza mwana tika non mwana quand même il faut kozala kozala na retenir koloba makambo lokutate soki na lobby na landela ye ba parents na ye na kongonde bato bana ko benga ngapo na kosenga pardon lokola oyo mutu angola oyo ba telephone na ngana komi kokanga pardon pardon pardon pardon bazaka ka bana na yo bazaka ka baleki na yo bazaka ka libota singa libota ekata na kate eloko ya libota ekata na kate. Mais quand vous prenez le courage, il y a le kouta, il y a mensonge, juste pour protéger Félix, venir kolobaba mensonge, alors il faut qu'on imagine la conséquence. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Awa. Vous voyez, l'ambassade n'a pas de mentir. Awa. Na ko tcha yango na ligne. Même si c'est na Coréen, ba Coréen, ba zangati na mukili mubimba, boko mona, boko yoka. Ce sont des ambassades, il y a des ambassades, il y a des brokers, il y a des bassi, il y a des étudiantes, il y a des yasika, il y a des yasika, il y a des trébeke, il y a des mbokate, il y a des bleus, il y a des kosabango. Awa. Voilà donc. Tokei moulahi, na lobaï tokei moulahi te, na lobaï toujours ka boya. Bon, ezama bete. Toye, toyaki po, to lobake, on a dit merci na Félix parce que azu le courage, ya parole, ya ko lobake, l'histoire de Minembwe, a suspendre yango, balandela. Toyaki po, toye bisaye ke, oui, ezali malamu, to félicite ye. Pour n'aller qu'à Minembwe ndenga lobi va suspendre yango d'abord mais esuki wana te il faut que ndeti na suka le problème de Minembwe va suspendre yango il faut une demande d'explication à Azares Ruberwa il doit s'expliquer comment est-ce qu'il doit il a conduit tout le monde à bateau il doit s'expliquer Et voire même suspension, si c'était moi, président, j'appelle patron Naye Kabila pour la royer, ça y est, que Moutou Oyo, il faut que suspendre. En plus, commission Oali Kosala, conseil Nayaki a accopé, ça y est, commission on a achatatou à mon côté. Parce que Batatou va décevoir Bissot. Aïe na bango plus de 500 ans la présidence. Tala makambaso salaye. Asala saut de mouton. Tala makambasalie. Asala maison préfabriquée. Tala makambasalie. Alors, bazali ba frère, il faut tout rééduquer bango. Na matière, il y a gestion. Il y a pays. Le frère de Félix, il faut tout rééduquer bango. Il faut pas la rééduquer. Je suis à payer à la caboété. Bazo se considérer comme si Bazali, bah hors la loi, comme si Mbongo y a payé à Mbongo na Bango. Bah tu vas me la colo, bah le retour na Mobutu à Zala qui a wahiba qui boloba qui nin. Kabila yiba qui boloba qui nin. Bino boya qui te, boya qui pour bo corriger ma kambo Kabila na Mobutu babandaï kosala. Vous n'êtes pas venu pour faire la continuité de ce que Mobutu a fait ou Kabila a fait. Contrat na bino na peuple, oh, le peuple d'abord, c'était basé sur ça, c'était basé sur un changement par rapport à ce que Mobutu faisait, par rapport à ce que Kabila faisait. C'est ça, c'est pour cela que le Congolais vous a donné ce crédit, cette confiance. Mais les lots, comme il a pouvoir, comme il n'a pas, Mobutu a salaki bino bozalaki wapi. Kabila salaki bino bozalaki wapi. Non, bozali ba frère, il a coupé sa confiance et sous-souté. Vous devez rester derrière. Parce que Bodessé n'a 2 ans. 2 ans, il y a Pamba. Ce que vous avez fait et l'équipe de Makambo Moussou, ce n'est pas comme ça. Alors, commission, on a Kocha, le bien au la commission, Batou Oya Kocha, Bazala Bexpert, il y a solo vérifiable. Et Kocha Tatou, mon côté. Kocha Tatou. Ba o ba koya na sima na ye na lista ko tia ba manseba, ba mwana etu, ba mukashe etu, ba chilumba, ba chilombo, ba chiyoyo, ba ilunga, ba kazadi, makambu wana yango nde tuzo pekisa. Mboka na ngai. Nalobaka, excusez-moi, tozo ke nikosi sa mère. Nalobaka, Nzambe soki alobi ke parce que Nzambe za Nzambe miracle ya maka Nzambe alinga kosala volonté ya Nzambe moto ayebi yango te. Alors na lobaka un jour Nzambe so alobi ke bon na komi si yombi Nzambe intérimaire pendant même jour moko. Nzambe intérimaire. Bokanisa déjà situation ya Batuloko la Rouberoa. Bokanisa déjà situation ya Batuloko la Félix. Bokani sa situation à Kabila. Bokani sa situation ya ba mende wana nyonso. Bokani sa. Nzambe a... Alibi kaka... Journée koute za ibele. Inere a pamba yombi o komi Nzambe intérimaire. Ezali pona ko sekate sa... Ezali d'une façon ya ko faire comprendre binon a quel niveau na zali en ce qui concerne Mboka na biso. Biso ba oyo lelo toko zala o vandi pe kuna na université de Kinshasa penza o zoni ata penza mazaya e pa ya bana. Ah, o zoni ata penza mazaya e pa ya bana. O vandi penza boye, oui, classe na tangi na souffrir ce qui a pembe boye pona ko tanga ka mpokoma mfumo buku tika mboka na ngai e profiter. Mais hélas, hélas, mboka na yo ekoki kopesa opportunité wana te. Ekoki kopesa opportunité wana te. Parce que ba o baza déjà kuna commerce bazo souffrir. Moto abandi ko souffrir po aya okoma docteur azwa maîtrise. Boyebi ba, surtout ba o batanga libanda. Ndenge ba nyokolaka ba étudiant na ba kokoma chaque semaine. Les étudiants souffrent. Soki ezo kweya yango moko avandi kaka na mesa azo tanga soki ezo kweya. Alors, tango asilisi quand même, il devient professeur au Congo. Il faut quand même respect à professeur Ezala, considération à professeur Ezala. Yango tozo mona, les docteurs, les professeurs congolais, bazali libanda. Azu opportunité visa comme libanda, aller sans retour. Aller sans retour, wana ezalite parce que alingi yango. Non, c'est parce que la situation au pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le vanipier ont kidnappé le pays. Ok, bateau vraiment réellement qui peuvent travailler pour ce pays. Bazali kopé sa bango opportunité wanate. Le peu qui reste au pays, ta la souffrance ndenge bazanango. Moi, c'est un professeur azo ke senga mungu wana ma voisin. Mo pe sanga nama mungu wakuna mungu esili. Moi, c'est un professeur d'université. Alors, courage na biso batovani le banda ke to zonga. Na zonga na ke niko tangi sa bana na biso moko. Iko uta wapi. Na point nini courage neko ye langa ke no. Na point oyo tika na zonga. Parce que on est humain. Toza na nzoto. Nzoto za na besoin. Ba besoin ebele ya nzoto. Alors, vous avez des enfants. O ba mesani na ba situation to vandi boye. Likambo ya nzala ba rezo na kango penza te. Nzala eza likambo ya volonté. Bana mso avandika bo ya moko na olia te. Volonté. Mais Kinshasa, nzala eza likambo ya volonté te. Nzala eza imposition. Na Congo, nzala eza imposition. Eza likambo ya volonté te. Alors, o longo la groupe ya bana. Oyo ba mesani boye. O kende na bango. Na vie moko o ezali sombre. Oui, mboka na biso ezana besoin ba professeur. Ale bana boya tokende tozonga na mboka, papa zongi mboka. Papa zongi mboka na moi, papa kozwa salaire ya combien? Papa kozwa salaire ya combien? Nana ko respecter papa. Yango bozomona les Congolais tozali na matière grise les banda mboka na biso. Les docteurs congolais, le kola les docteurs Robert Nzonga na Canada. Voilà ba cerveau. Oyo lelo Québec mobimba bazolo bela kuna. Na moni ba témoignage na net, na ba témoignage ya ba patient na ye, ba malade na ye, o atretaka. Parce que ba vilipande ye, aza réfugié, aza docteur te, ba ye ko panza malade, vérité ere ye ko bima. Keza ki complot parce que posonaye. Mais ba témoignage tozui ya mindele. Na solo la na madame moko, je pense ya une semaine. Asala ka na ministère ya coopération na bango kuna. Et tozo solo to ye ba ina ye, c'est une amie. Tozo solo na ebisi ya, mais chez vous là-bas, il y a un autre frère. Na makambu ya corona, oyo boko selye ye mutapande. Abia likambu wana tika, nga kutu kuze na ngayi. Aza malade na ye. Natango azala ki avant kende na province wa azali. C'était très bon docteur, très intelligent. Voilà ndenge tozo bima ridicule libanda. Docteur Robert peut rentrer au Congo. Travailler pour na Congolais. Na Congo ba docteur bazate. Mais est-ce qu'a koyiko zonga? Ce qui a zongi na ko respecter. Lelo ba mboke koyiko zala lelo président de la République. A yoki histoire wana. Voilà un citoyen congolais na mboka boyendenge ba maltraité. Président a ko décider bon. Dit conseiller. Boye langa mwana mboka wana. Boye langa mwana mboka wana. Vanda wana. Nani ya kosala ngo na Congo? Nani? Ba écrivain le kola Patrick Mbeko. Batu bazo tanga ye ba paya na place a vandi na mboka vandi batu bazo tanga ye. Bazo mona ye vraiment o ezali cerveau. Mais na mboka na biso na Congo parce que abeti maboko te po na Félix. Makambo nyonso a koma zero azali eloko pamba. Quel courage ko yiko zwa. Batu lokola ba Patrick Mbeko. Alo ba na zonga na mboka na biso, na pesa guya écriture na bana na biso o bazali kotanga. Na ede bango ba komebele. Parce que au fait, même ba université na biso lelo ezo ye banate libanda. Pourquoi? Parce que nos universités n'écrivent pas. Parmi biloko que classe à Kaba Université, ils allaient au coma. Les étudiants écrivent, les professeurs font des recherches, écrivent. Bambo cannabiso batu loko la va patik meko ezali batu oyo bako ko balo yaka zo centre de recherche ya Inikin zo centre de recherche ya Ipen zo centre de recherche ya Lubumbashi pesa guya ya bana biso batanga bakoma pasa la ba recherche nana ya osalango e pa na biso bako invite batu loko la ba topin yoka na mutu kombo topin topin. Il a été au Canada un bon à rien. Aujourd'hui, Bango Bazo, ça la loi. Parce que dans mon tout et l'autre exacte, qu'est-ce qu'on utilise pour résister? Ma kofi. Kotin da Bambongo, $2,000 chaque mois. Pour que ba takakabato Bazo loba, il faut les attaquer. Il faut les attaquer pour que ba lobate, les faire taire. Ba prépayé. Des Congolais prépayés. Au Vandi, yo moko na ma famille, kuna babi oza la diaspora. Nzo kande au Vanda na ndako, na social. Batinde la kayo $2,000. Kobimaka obimi na video lobe lo kote. Ba yebi kou teke na ye po na loba po na minembwe, na loba merci fachi. Kobimaka obimi boye, cuisinier oyo lelo a ye, moutou pamba. Lokuta o kosa kabatu ke oza la professeur. Moussou to moni bo, lui la le cuisinier, le milvor là te félicité, c'est la première fois que na mona milvor ya bongo abimi a commis. C'était la semaine passée na vidéo na ngai alobi voilà un faux professeur, un cuisinier azoko sabatu qui azala professeur to mona na ta vidéo na yete na auditoire azo tang sabana. Ah bon biso peto linga ndengwa na na zui vidéo na tindele na lobi bon tatu lobi ninsiko vidéo na kati auditoire ya mona zo tang na otang sabato bandundute na otang sabato la mukate. Na otang sa mindela. Olobi nintatu. Ata la video, ye moka songe abi. Ah, prof. Oza vrema prof. Me respect. Aye na inbox. Papa vrema pardon. Pardon. Likamuna yo a cuisine na yo kakaka. Lelo oyo, naza ami na yo te na Facebook. Na Monica post na yo. Na mutu mususu yango na poste ke. Oza professeur ya lokota otang sa rate. Me video tindi na moni penza. Bango bandi makate ha o milvoro na moni milvoro resulta ya migration akendeki na kabe ya kamwanga parce que bango bandi makate ezala ba moni bandi makate. Donc voilà, merci beaucoup pour na lelo batu ya fachi na ebi sa femme alanda kabiso en tout cas madame Denise minembo ozo angote ha ndenge cadeau ozo angote. Dites à mon beau-frère à continuer na maloba ou à lobby et soit na maloba te parce que yeto yebelié azali distributeur de promesses. Félix pona ba promesse non a okabla bino ngolo ka la carte na wasala boy na opesa boy na olesa boy bogolia ba futa ngulu distributeur de promesses. Yé côté qu'on a sa ganité. Félix peut vous promettre que l'obi n'a qu'à inviter Yé soit Roya. Il peut le faire, il peut le dire. Donc, maloba na Yé souka na malobate. Na yébi ke ba pression izali. Ba pression izali. Kozala na ko bangate na ambassadeur États-Unis. Convoquez le. Justifie-toi présence na yo na est izala ki po na nini. Suspendez Rouberoa. Alors, dis yango, kata yango. Parce que au fait, même Nazali vraiment opposant na yo. Mais moi, les jours où Nazomona, na kozela 2 ans, 3 ans, te. Les jours où Namoni, on a semaine prochaine, boy, 1 mois, Félix a kati dil na Kabila. Moi, je te supporte. Moi, je te supporte. Lobby au commun investisseur coréen, japonais, taïwanais, au commun à Bango. Nazali, na investissement, ya, babababanini, implantation, des camions, chaîne, ya usine, ya fabrication, ba camion, ba déclassant, parce que ba camion, ba étudiant. sauté. On me l'a proposé. Zwa yango kende nango. Mais ba condition est allée, ba condition est arrotée kambo kate. Ba koreye ba zala makambwa nate. Ba kamnyo wana, même si lelo na kore, ba tebele ba utiliza kango sauté. Mais na Congo, est en importance makasi. Lelo peza bozui ba chenou na nyon soumi balé, moko bo tchena Kinshasa, moko bo tchena Lubumbashi, na kasaite, pardon, kunate. Kunate, kasaite, pardon. O, na kasaite kuna ba ondimate ke nga moutou na memi ango kuna. Ba ondimate, o kout na sauve moutou, ba linga ou boma na pande, zo ba diye mika ye na sauve ye, ata merci na zoate, pardon, na kasaite. Mais je ne peux pas le faire. Combien de fois bazo tout nanga, mais boni boni, pardon, je les ai expliqué. Situation il y a pouvoir et en boka na biso situation sécuritaire situation financière ndenge ni moyibi ezali bozo ayizino boka na okuna pardon lelote et okufate natala ngo deux fois il y a pas de rui izine mobimba lokola General Motors ba camion e komema ba fufute masangute soki ba montango na Congo transport ko sale maté. Mais tu remets comment parce que au comme propriété ya Kabila. Nga na zana force ya comment imposer la batoate. Comment ma ba koreye oké na bango kuna. Mais non, so e komi kuna ba comme devant un fait accompli. O comme kuna no yombito lingi yete longba kuna zala pembeni. E komi propriété privée ya Kazadi. Oyo ka kuna mukolo na ngwa komi Chibwabo. Oyo ka kuna mukolo na ngwa komi Chilumba. Pardon. Nous voulons du sérieux. Et je ne blague pas. Pour exemple, ma photo, il y a ban na moyen to l'exango exact. Il y a une semaine, moi, na biso akenda ikuna po atalango. Mon ami qui est directeur à Yobi, moi na ya talango. Ma photo bakangi men, j'ai décidé que ma photo a ban na to ko publier en côté. Boko mona ke notre enfant na vidéo atamboli ba. Ba matériel nyonso ndenge ba chango na ngari ya munene lokola quartier Mubimba. Voilà. Nyonso wana pona nini? Tokoki kosali sa Félix aza mwana mboka, même si mutu na ye er moko malamu te, mazali mwana mboka, toko aide ye toko sunga ye, soki volonté ya ko aide ye ezali. Il faut d'abord ye moko a manifester volonté ya ko aide ye. Toko sunga ye. Alors volonté ya ko aide ezali nini? Lelo oyo Kabila ko sala Félix et lo côté ce qui Félix a lobby lelo bana mboka na signé yoma Kabila na lingé souté Kinshasa wana 12 millions d'habitants et ko telema pona ko protéger ye babo ma biso nyoso alors batu mususu ba okita kongote. Parce que Congolais moko to vandi batu ba vandi sa makamu na diaspora Congo bazali. Ya de Congolais partout o bazali na ba contact lelo. Biloko mususu mindele ba place to vandi na diaspora ba utiliza angote ezali. E mindele bazala ka batu moko loko la monde se limite ka repa na bango. Ba yebite ke biloko mususu bango bazo neglige na bamboka na biso ezali na utilité. Docteur Mukwege est venu na Corée. Na tango na yebisaki ba hopito. Biloko nyoso bo itilizaka te bo pesa biso. Baba nayi koseka. Ah, prof, oyo pe lokola ba babenga oni testoscope o ba yoke la tension ya singa wana. Bango ba itiliza ngo soute. Oyo ba ite. Ebi pardon. Bo sangisa. Ezo sangisa batute na hopital ya Panzi. Ba Kongole ba koyi ko mobilize. Ben investisseur bazali. Mais, Kongole mokota li akoyi kozwa risque, abima ridicule, o mobilize ben investisseur, bake na Congo, parce que bake kuna pona yo, ba yebi kozali serye. Bako makuna, ba mona mbongo ba yeko tchena bank, mbongo komi Félix a foute l'avion. Mbongo ba tchena bank, oyo kakuna no, amida jindamba soma lupango. Alors, nous sommes retournés contre yo. Moutou, oyebisi bango ba kende ba kende ko investir. Voilà pourquoi on se réserve. J'aimerais mieux garder ma dignité, respect au batou bazo pesangai, kena bima ridicule parce que biso ba congolais qui parate ke ndeko na nga likambo o na osala ndeko na nga ozala na souffrance congolais landa makambo wana te. Alors et a fortiori mindele er moko ba comprendre ka bo bato azaro ba asiatique mais comment ba asiatique o mema ye kuna ke ko investir akoma kuna moni aventure kozonga zozonga makambo wana sur la télévision. Makamani sur la télévision, et la télévision, et ça, c'est la culture, par exemple, coréenne. La culture coréenne, ce qui na ayebio à travers Moutoumoussous, ayebio na simaya Moutoumoussous, ce qui oye, yo moutou ayebi, ayebio na sima Moutoumoussous, oyo ayebi si que bon, en tout cas, naza na problème moko boye, na nina salaboye. Avant ça, li kamwana, akotou na moutou oyo a tchaki bino na connexion. Bazala kabongo. Koreyeza la mwana mukeza la mukolo. Bazala kabongo. Ah, no, to yebania. Ok, men. Mutu oyu. Mem to yebania na sima mutu mususu. To zape ba kamarad. Bon, ayeko pozinga problem boye. Tika na sala problem ango. Te, avasa la ango. Ako memanan likamwa na mutu oyu. Achaki yo an kontakt na ye. Eza la mutu wana bazala kaso ba mite, me ako zonge la ye. Ah, omoni mutu oyo ye la kingai, a ye po na problem bo yo omoni ndegeni. O mato kita ba koreye bazala kabo. Alors, ngana zwa ba koreye, na mema bango, bako makuna mbongo na bango, ekomi yo ya mida somba lupangu, ya soraya somba lupangu, ya masero wa somba mapangu, ya Patrick Tshisekedi, ake neko sala ba vantir na ye, menon, je le fere pa. Non, ça l'a monté. Bon, ça l'a monté à Batoumsous. Il y a un groupe là, il y a Batatou des étudiants. Ma compagnie, moi, je investis, moi, je suis comme à Bango. Oh non, pour la Congo, tout ça l'a monté, tout ça l'a monté. Surprise. Ma investisseur à la place, ma Vandaki. Ma bi, non, non, non, non, non. Ba non, bien que ba yé, ba zab étudiant, bien que tu aies eu Bango mouké, mais il y a un Congolais ici. Il y a un Congolais, biso nyonso ba coréen, tozan na confiance na ye, to tou na ye nan. Ba tou ninga ye. Voilà, il y a telle histoire pour na Congo yo moni de. Pardon. Pas maintenant. Des ordres des alliés. Pièce contre pièce. Talambongo. 500 millions de dollars. Saut de mouton. Et le côté salami. Tala Oyo. Bambongo. 57 millions de dollars. Maison préfabriquée et monanité. Tala Oyo, président, c'est Sisi Bijemo Yambula Mobimba, na moi moko, et mon anité. Tala Oyo, preuve, ngaïté, na koti bango na site, ya Banque Centrale. Na koti bango na site, ya Desk Eco. Nga mna komi, nga la vana na Congo te. Batu baza na Congo ba komi. Ba yebisi nga abia, en tout cas, o sauve biso. Toko vani sa nanu, Batuni ya kutu me yope sala no kiboke nga te pardon. Nga yi na lingi kre mingi. J'aime beaucoup des enfants, j'aime beaucoup des étudiants. Sikote. Sikote. Bisho tozo luka ne gouvernement. Ya mondu kuna mkolo mususu, to vandi pe. Non. Mese yombi, le grand Mouyaka, a komi pe secrétaire général ya Nations Unies. Pourquoi pas? Ah oui, yango tozoluka. Tozoluka teto ya kowela, kozala konseye kuna yepa ya Félix. Ezalo keyi na moma o en environnement o yoko sale loko mote. Voilà donc, mes chers amis. Yango nde to lingayi tolo ba tosolo la lelo. Merci beaucoup pour na kolanda biso. Merci beaucoup pour na confiance. Merci bokabula. Bokabula ba video na biso. Conscience et la mukaka kaboy. Narobango toujours tozali koya na objectif e belé. Entre autres koboma père kobanga. Kobanga e sauva kamutu. Kobanga pe e détruisa kamutu. La père sauve et la père aussi détruit. Parce que na makambo etali mboka so tie kobanga na kati e zo bébisa. Bien que kobanga wana peut-être pona ko sauver po so mzoto ko iko banga ko lenga ezali émotion moko brut. La peur est une émotion brut. Ça sauve na moma moko, ça détruit pe. Alors, na makambo etali mboka ko wela mboka soki to tie ko banga liboso to zali ko bebisa to komi bebisa biso moko to zo bebisa mboka na biso. Il faut le courage ko banga te lelo miluvor soki akangi yo abeti yo okeni hôpital bako tia ba bandage ko sila. Mais lelo mboka na yo soki ekeyi minembo soki ekeyi ozwa minembo mususu wapi ozwa minembo mususu wapi batatu baza baliaka mingi masango makofi na bango peza lokola mutu atie ba ba ba ba ba ba gang ya ba boxer eko joyo penza bien te eza penza pete pete ba bazala makasi ya ya lokola bato ba ndunu te ou bien ba equateur te bango makasi ya bukula dog ya matamba alors ko banga obeta bango te même ba betio ke hôpital ba tio alcool ici alors oko banga po mboka na yo ekende c'est pas comme ça. Tozo ya poto longo la kobanga, poto konsyantize batu, ke mboka na biso batu bako zala, batu bako sove an kaka batu na biso. Batu msusu te. Batu msusu te. Alors, woka bola wa video, petete batu msusu ba mwona ki ango te, bako yoka yango, petete azalaki na ye na kouraj, na posa alamuka, ela go yoka alamuki. Alors, nazoro bako lamuka ya alamuka te, hein? Nazoro bako lamuka penza ako lamuka. Na pongia ba bebe wo batika biso na na vie au yakenda ah vie voilà vraiment vie ala nyoko li batwa nzoka ndia za lakini vite vraiment batu bayebiko bayebiko batela bayebiko batela lokuta batu bayebiko batela lokuta franchement vie wana nyoko li batwa radical lobaka mingi lobaka penza mingi te yeba decision azwa kana retard nzoka ndia retard wana za lakipo na retard te retard za laki makamba ko lobezati kaka maboko na poche so akuta ina mubutu maboko kaka na poche aya okufa boy vraiment via koma ta phrase mokote maseba oyo vraiment voilà nazoze la bo kata to sisi déjà vraiment merci mingi pour la confiance diaspora bandeko ya France bandeko ya Canada bandeko États-Unis bandeko Europe mubimba Amérique mubimba Amérique Latine na Brésil na Cameroun na Grèce na Turquie na Australie na Papua vraiment qui na Papua un congolais m'a écrit ah puis un peu ko tambola OK bakenda kuna na boîte ou bien bakenda ngendeni voilà donc en Afrique du Sud na Congo et partout je vous aime beaucoup et priez pour nous na senga ngo toujours bo prier pour nabiso. Même si je peux t'écrire beaucoup de choses, je n'ai récité pendant 4 heures. Mais si je suis un prof, c'est la prière. Vraiment, je suis un prof. Je suis un prof. Je suis un prof. 2 minutes, 5 minutes. Et je suis un prof. Je suis un prof. Nzambe limbi sanga ya amen, amen. Nzambe pambula biloko ya amen, amen. Na kombo na yeza amen. Prière na nganyo seconde. Je pense que ça fonctionne. Hein? Ma prière na ngande na sa la façon na de prier, ça marche. Parce que dans ma situation, nous sommes dans la situation. Dans le bac à Nzambe, yoka a mouto koweko décanté situation. Ko pesa nga sonite. Et si li, ou vandi karaboye pa, li kambo bandaye ko luke salemi. Et tokoweko loba, toza quand même béni. Hein? Béni penza ou mona mouto mwindu, en Afrique, na ba mboka ba asiatique. Na Europe, to sa kana na ba européen, na ba américain. Ba asiatique? Ah! Batu ba comment nazi er moko ba fana nazi bo bi makabo pesa ba témoignage ba asiatique ndé bazala ka vis-à-vis ba noir. Alors noir moko aya s'imposer respect dans mutu nyoso pesa okay yo koti quelque part banque nyoso batu baza okauka. Ah prof, professeur oyé, ah VIP. Hein? Tout ça les a fait bandeko na biso té. Tout comme ça rappelle er moko bandeko na biso. Makambu ya ko wangana ka vérité ya ngonde tozo boya. Tozo po yango makasi. Bye bye. Mes amis. Olivier, mon ami. Voilà, merci beaucoup hein, d'être là. Nazo zera bo longwa pona kata. Merci beaucoup. Merci. Allez, bisous, bye.